Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. 29 mai 1913. Le théâtre des Champs-Élysées vit une soirée historique, un de ces scandales qui jalonnent régulièrement la vie musicale. Comme la beauté, Nijinsky est un drame. Un drame et une énigme. Ce petit jeune homme auquel une des entraîneuses de Tabarin disait en le ramenant de la piste de danse à notre table « Tu es bien gentil, mais tu ne sais pas danser. » Ce jeune homme dont la musculature déformait les vêtements et dont le haut cou, sortant d'un col dur, soutenait une petite tête simiesque aux cheveux rares. Ce jeune homme d'allure ingrate et bourrue, car il vivait enfermé dans son rêve, ce jeune homme sortait de sa loge et entrait sous les projecteurs avec une telle beauté, une telle puissance de grâce, que les âmes les moins sensibles, que les critiques les plus rébarbatifs, se laissaient envahir par une euphorie. Pourtant, tout aurait dû se passer sous les applaudissements. C'est la quatrième saison parisienne des fameux Ballets Russes, dirigés par Serge Diaghilev. Celui-ci a composé sa troupe avec les meilleurs éléments du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Paris est l'endroit où il faut être reconnu pour atteindre une renommée mondiale. Pour ces quatre premières saisons, Diaghilev compose ses programmes en utilisant, pour les chorégraphies de Michel Fokine, les partitions d'auteurs russes célèbres. Il accueille aussi de jeunes compositeurs, en particulier Igor Stravinsky. Une génération les sépare, mais tous deux viennent de Saint-Pétersbourg et le jeune Igor fréquentait le Mariinsky où son père chantait. L'Oiseau de Feu, en 1910, Stravinsky avait alors 27 ans, les réunit. Et le public parisien, charmé par ces musiques aux résonances légendaires et folkloriques, fait un triomphe au ballet. Il en va de même l'année suivante avec Petrouchka. Vaslav Nijinsky, le fabuleux danseur, attire d'abord l'admiration par son interprétation sous la direction de Fokine du Spectre de la Rose, sur une musique de Weber. Mais il déclenche une polémique en 1912 avec L'après-midi d'un faune, sur la musique de Debussy, dont il a réglé lui-même la chorégraphie. Un duo Stravinsky-Nijinsky est pour Diaghilev prometteur de succès et gage de modernisme. Il commande donc au compositeur une œuvre évoquant la Russie primitive. Comme autrefois la bataille d'Hernani, la représentation est un tumulte et un tapage tel que Stravinsky quitte la salle et que les danseurs ne peuvent plus entendre l'orchestre. Il faut les diriger à la voix depuis la coulisse. Pour le producteur Diaghilev, cette explosion rétrograde est une publicité bienvenue. Stravinsky juge, lui, que c'était la chorégraphie, maladroitement moderne de Nijinsky, incapable d'assimiler les idées de Diaghilev, qui est à l'origine de ce chahut. Cette soirée donne naissance à un double mythe révolutionnaire, celui des ballets russes et celui de Stravinsky. Diaghilev fait appel à Picasso pour les costumes et les décors. Il fait aussi appel à Rouault ou au Delaunay, et aussi à Debussy, Satie, Milhaud, Poulenc ou Ravel, qui lui apportent leur concours. Quand Nijinsky sombre dans la folie, il est remplacé par Serge Liffard, étoile masculine par excellence, puis maître du ballet à l'Opéra de Paris durant de longues années. C'est en voyant danser Liffard que Béjart décide de devenir danseur et chorégraphe. Et quel est son premier grand succès en 1959 ? Le Sacre du Printemps. Béjart redonne alors envie au grand public européen de retourner au spectacle de danse. Voyez-vous, je crois que je fais des ballets pour deux personnes. Je fais deux sortes de personnes. Je fais des ballets pour ceux qui n'en ont jamais vu, ou ceux qui les ont mal vus, qui ne les aiment pas. Et je suis le plus heureux quand ils sortent et qu'ils ont aimé ces ballets, qu'ils ont compris la danse. Quant à Stravinsky, l'appréciation de sa musique souffre toujours de la comparaison avec le sacre. On cherche dans ses premières œuvres ce qui pourrait en être le germe au lieu d'en goûter les charmes. Et certaines œuvres postérieures apparaissent non comme un retour à un certain classicisme, mais comme un renoncement, un retour en arrière. Toujours est-il que ce ballet est, après Béjart, devenu une sorte de pierre de touche de la danse contemporaine, à laquelle une grande partie des meilleurs chorégraphes contemporains ont souhaité se frotter, de Pina Bausch à Angelin Préjlocage et de Maggie Marin à Martha Graham.